Chaque année, des agriculteurs et des agricultrices des quatre coins de la France se retrouvent pour deux jours d'échange et de partage. Au programme, des visites de fermes et des témoignages de formation suivis par des pairs autour d'une thématique commune. Cette année, c'était notre métier d'agriculteur ou d'agricultrice, le revisiter pour mieux le vivre. Ces rencontres nationales, moment fort du réseau des AFOG, se sont tenues les 15 et 16 octobre 2019 à Saint-Giron en Ariège. Elles ont été co-organisées par l'Inter-AFOG Haute-Garonne-Ariège et l'Inter-AFOG. Eh bien là, on est sur une jolie prairie avec, il y a presque plus de personnes que de vaches, mais il y a une quinzaine de vaches qui étaient couchées jusque-là et qui se sont levées un peu curieuses. Des belles vaches avec leur robe grise, voire un peu noire sur le pourtour des yeux, avec des belles cornes en lyre. Et le taureau pépère, qui dort. Non, elles sont très belles. On avait le projet en fait de s'installer à plusieurs sur une ferme en production diversifiée et on voulait faire du fromage et du maraîchage. Mathieu est un des 5 associés du GAEC du Chamboule à Barjac. Il nous raconte comment il dégage plus de valeur ajoutée tout en conciliant leur métier d'agriculteur et celui de jeunes parents. Quand on est arrivé ici, on a proposé le projet aux cédants. Donc on a transformé l'atelier ovin-viande en ovin-lait avec transformation fromagère. On a gardé le troupeau bovin-viande qui est un tout petit troupeau bovin-viande d'une quinzaine de mères. Et on a développé un atelier maraîchage. Est-ce que tout le monde me suit? Nickel. Sur les vaches à viande, on était beaucoup en plein air intégral et ça nous prenait la tête depuis 10 ans. Les propriétaires, ils avaient une petite stabule qu'ils voulaient récupérer, et donc on a construit ce bâtiment. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'aise parce que ça marche bien pour emprunter de l'argent pour construire un bâtiment comme ça que si on avait dû le faire il y a 10 ans, quoi. Là, d'avoir un bâtiment, de pouvoir rentrer une vache quand on a besoin de la rentrer, de pouvoir bien stocker le foin, ça va avoir très très peu d'impact sur notre salaire et tout. C'est vraiment plus de la confort au travail. Qualité de travail, ça va même nous faire bosser peut-être un peu plus, mais dans des meilleures conditions. C'est vraiment pour être plus... Moi, on en avait marre de faire n'importe quoi avec les vaches. En travaillant mieux, maintenant, on gagne mieux notre vie, on prend plus de vacances. Et on est sur des activités à forte valeur ajoutée. Parce que voilà, j'ai pas dit, mais on fait de la transformation, de la vente directe. Donc toute la valeur, il y a énormément de valeur qui vient du travail. C'est un peu bizarre, mais en fait, plus on est et plus on dégage de valeur, quoi. Par exemple, au jardin, sur un hectare, on a du mal à le faire comprendre parfois à l'administration, mais quand sur un hectare, si vous bossez à un associé, vous sortez un salaire, et si vous bossez à 3 associés, vous sortez 3 salaires, quoi. Ça n'a rien à voir avec la surface, je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais plus on va bosser, et plus ça va sortir des légumes. C'est peut-être moins vrai sur l'élevage, mais même sur la fromagerie, quand Julien il est arrivé, on a mieux valorisé le fromage, on a pu faire d'autres trucs différemment, mieux le vendre, enfin voilà. Donc voilà, structure, on est passé de 3 à 5 finalement, et aujourd'hui on se paye mieux qu'au début, on a plus de temps. Et vu qu'on a tous à peu près le même âge et tous des enfants, c'est pas très compliqué de définir ses horaires. Donc il y a le début de l'école et la fin de l'école, quoi. Donc c'est à peu près nos horaires. Hors bordel, quoi. Enfin, l'horaire normal et puis l'horaire, il y a du boulot, quoi. Et la traite, on la fait tard, du coup. Vu qu'on a des enfants, on fait la traite à 8h30 le matin. Et le soir à 4h, on l'a fait. Du coup, on fait un tiers le soir, deux tiers le matin de traite. Donc ça, c'est un choix, on perd un peu de lait. Mais au moins, on est là pour les gamins. Donc ça a été un choix fort, ça. Pareil pour les marchés, on fait pas le marché le dimanche. Parce qu'au début, on avait commencé, c'est mieux, les marchés des week-ends, ça marche vachement mieux. Donc on a pris le marché le mardi à Toulouse, qui est moins bien, mais il n'est pas le dimanche. Depuis 3 ans maintenant, on prend quelqu'un pendant 3 mois l'été. Là, elle vient de partir pour prendre des vacances. Donc on a tous 2 semaines de vacances l'été. Et à l'année 5 ou 6. 5 ou 6. De son côté, Sandrine a mené une réflexion pour faire émerger un nouvel atelier bière sur sa ferme auberge, dans la perspective de la retraite. Alors on va continuer le programme. Donc... nous allons maintenant vous présenter une formation de l'AFOG du Doubs, changer d'organisation, qui est l'application pour mon budget. Donc Sandrine va nous faire part un petit peu de l'évolution de son exploitation sur tout son parcours et avec tous les ateliers qu'elle a montés petit à petit et comment elle gère tous ces ateliers. Donc au départ, on avait voulu acheter une ferme pour faire notre projet de ferme auberge. Depuis le début, c'était ça l'idée. Et donc voilà, en 2000, en fait, on avait un troupeau de chèvres avec des volailles et des cochons. Donc en fait, on a beaucoup de choses, mais par contre à petite échelle, pour simplifier. Et donc, j'avais déjà passé donc, mon troupeau de chèvres en monotraite, et dans le but d'être autonome, en fait. On avait passé la fenaison en petite botte, enfin, j'avais toujours cet esprit un peu d'être autonome au niveau du travail. Et donc, j'avais mis en place en 2019 un petit atelier pour faire de la bière. Voilà. Mon problème étant que je n'aime pas les fromages de chèvre, mais j'aime la bière. Donc, En fait, l'avantage de faire une formation comme ça, c'est un peu ce que je disais hier, c'est qu'on prend le temps d'y réfléchir. Chez nous, on travaille, on est occupé, il y a du monde, il y a le téléphone. Alors que là, on prend une journée, on pose, et je me mets à plat, quelle place allait prendre la bière, au détriment de quoi ? Parce que c'est bien beau d'avoir plusieurs activités, mais après, on ne peut pas en rajouter non plus éternellement. Il faut en sacrifier d'autres. Est-ce qu'on sacrifie les chèvres ? Est-ce qu'on sacrifie... Voilà. Et donc, c'est une journée qui m'a permis de poser un peu le problème. Voilà. Donc, c'est vrai que 2018 a été un peu particulier parce que je me suis fait opérer en avril d'une prothèse de genou. Et donc, j'avais déjà mis en place sur ma ferme une baisse d'activité pour que ça passe un peu mieux. Et donc, c'était de là où j'avais baissé les cochons de 13 à 9 et que j'avais pris beaucoup moins de volailles. Donc voilà, mon frangin a bien assuré le coup. Et je me suis dit que, mine de rien, 4 cochons en moins au niveau du temps de travail, c'était quand même génial. Parce que l'élevage, qu'on en fasse 9 ou 13, c'est pareil. Par contre, au niveau de la transformation, j'en fais 2 par semaine. Et mine de rien, 4 cochons en moins, ça fait 2 semaines de travail en moins. Et en fait, j'ai presque involontairement anticipé le fait que si je faisais de la bière, en fait, je pouvais me baser sur cette base-là. Parce que les chèvres, que je passe de 20 à 15 chèvres, au niveau temps de travail, c'est pareil, quoi. Alors que voilà, j'ai un levier avec les cochons et un peu les volailles. Là, j'ai une nouvelle étape depuis, parce qu'en plus de la bière maintenant, mine de rien, la retraite approche. On se dit, ce serait peut-être aussi le moment de prendre un peu plus de temps pour soi. Et voilà, là, je suis en train de réfléchir mes marges de manœuvre pour me dégager du temps. Et là-dessus, voilà, là, c'est la réflexion. C'est bah, du coup, c'est l'arrêt des chèvres. Et du coup, financièrement, je sais que ça passerait. Par contre, au niveau du contact, du ressenti, voir l'écurie vide, puis voir d'animaux, c'est pas encore un passage que je suis prête à faire. Mais je pense que ça se fera.